pas. Nos crocs, Farjnikov, dissident dangereux, nos clashs, petit fort, fonce dans le mur. J'ai les potes qu'un jouer, un seul que le tout puissant guide au drame. Qu'on s'éloigne de ces kilos de haram avant que ça vire au drame. Je veux pas finir comme Nino Brown, engrainer les plus influençables juste parce que mon stylo crame. J'suis d'humeur incendiaire, appelez-moi pyromane. Virage chronotos, expert en pilotage. C'est là que j'piste l'occasion. Cherche pas à savoir ce que j'dis stockard. Arme chromie, c'est une prise d'otage. On vous fera pas de cadeau. La seule chose à emballer, ça sera le bras de votre capot. N'attendez pas qu'un rat de labo braque et rate la gauve. On s'arrachera une fois qu'on arrachera le magot. Bim badaboum, là le king d'amagouille. Ce qui les fait bander mon frère, c'est de palper du bif à la foule. Je me livre à sa douille, une OCP sim à la bouche. Vite la cartouche, encore faut-il posséder le style de la place. Car on fait ce fait à te sembler. Dis-leur que les erreurs ne me sont plus permis. J'en ai peur, car on change quelques faits. Mais demain tu meurs, mec, plane et sûr. Choisis ton chemin et fonce, qui est enfoncé dans le mur. On fait comme une ligne droite, une route construite à l'infini qui n'en finit pas. C'est triste à dire, et si on fonce, qui t'a passé dans le temps, on en guérit pas. Si ça marche pas, mec, t'es mort, c'est sûr. Un conseil, allume tes phares, allez vite, de foncer dans le mur. On fait ce qu'on veut, joue pas loire, elle avec ton feu. Le fils pas le miel et les abeilles. On pile la reine Elisabeth. Deux flammes made in Israël pour percer dans les petits amels. Du caramel en petite lamelle. J'suis dangereux comme le petit camel. C'est la haine qui m'anime, moi c'est la vengeance qui m'amène. J'suis fasciné par les gros cubes et le gros cul de la petite amel. Chasseur les allers-retours en power pay. Avant que la douane elle m'interpelle, je toutes les folles sur internet. Que c'est là, y'a que les touches là, y'a que les pépettes qui ont de l'odeur. J'suis un retard, j'suis un rôdeur, j'suis un soulard, j'suis un connard. J'suis un couche-tard, j'suis un chômeur. Passe-moi les clés, j'deviens choumi. J'suis un insomniaque, un insoumis. Qui t'escroque avec un sourire. Rien n'est soupir, j'envoie les couches, j'donne ça comme bras et maçon. La garde du rap sera sanglante comme celle des machines à sous. T'as la squadre à sourd, on repartira avec le trophée. On veut le pouvoir comme Attila. Et la dynam, elle est coffrée. On fait ce fait à te sembler. Dis-leur que les erreurs ne me sont plus permis. J'en ai peur, car on change quelques faits. Mais demain tu meurs, mec, plane et sûr. Choisis ton chemin et fonce, qui est enfoncé dans le mur. On fait comme une ligne droite, une route construite à l'infini qui n'en finit pas. C'est triste à dire, et si on fonce, qui t'a foncé dans le temps, on n'en guérit pas. Si ça marche pas, mec, t'es mort, c'est sûr. Un conseil, allume tes phares, allez vite, défoncé dans le mur. S'il faut le faire, la mettre à tous tes faux frères. Rien t'est offert, tu pètes un bloc comme un mec offert. Trop fort, regarde ce qu'on fait pour un peu de confort. Trop fort, le ghetto est notre sponsor. Fort comme un coq, fier comme un cap. Viens pas jouer les mannequins, on t'accueille dans le terrain. Quand le 9-4 tarot, tu vois le scénario. Les frelots se rendent barreaux dans tous les barrios. Carnal, ton passé se réincarne en carnat. Rien de banal, dans ça avec une pierre au fond d'un canal. Le son d'une plaque au slow cause ta mine claquée. N'oublie pas quand je te cause, j'ai envie de tout plaquer. Pareil qu'on n'a pas tiré les bons numéros. Ouais les frères, on a fait les rêves du mélo mélo. Nique leur caméra, c'est le beat que l'on arrache. J'crache la foudre comme orage, plus rien à foutre avec l'âge. Les tatouages sont dans nos crânes, c'est la rage qui se déclare. Anticipe le virage, même si t'as fait un faux départ. Combiner nos destins, les projecteurs sont ceux des stars. Des soldats sont des chars, pas de game pour ces bandards. Ce fait à te sembler. Dis-leur que les erreurs ne me sont plus permis. J'en ai peur, car on change quelques faits. Mais demain tu meurs, mec, plane et sûr. Choisis ton chemin et fonce, qui est enfoncé dans le mur. On fait comme une ligne droite, une route construite à l'infini qui n'en finit pas. C'est triste à dire, et si on fonce, qui t'a passé dans le temps, on n'en guérit pas. Si ça marche pas, mec, t'es mort, c'est sûr. Un conseil, allume tes phares, allez vite, enfoncé dans le mur. Car on fait ce fait à te sembler. Dis-leur que les erreurs ne me sont plus permis. J'en ai peur, car on change quelques faits. Mais demain tu meurs, mec, plane et sûr. Choisis ton chemin et fonce, qui t'a foncé dans le mur. On fait comme une ligne droite, une route construite à l'infini qui n'en finit pas. C'est triste à dire, et si on fonce, qui t'a foncé dans le temps, on n'en guérit pas. Si ça marche pas, mec, t'es mort, c'est sûr. Un conseil, allume tes phares, allez vite, enfoncé dans le mur. Farjnikov, néo-chrome. L'instinct du bitume suceur.